ma sœur, j'ai emprunté des cassettes vidéo ainsi que quelques DVD de films qui me tentaient, que j'avais envie de visionner. D'abord, j'ai pris Aldo et Junior avec Aldo Macho. Je l'ai déjà vu au moins 10 fois quand j'étais plus jeune. Mais je reste fervent admirateur de cet acteur. Puis j'ai pris Didier. Le film où Alain Chabat interprète un chien. Dieudonné y tient un petit rôle, son premier dans un film. Je l'ai déjà vu, mais je l'ai pris car j'ai pensé qu'il pouvait plaire à Perrine. Puis j'ai pris Lolita, un film qui va sûrement énormément m'intéresser. Adaptation du roman éponyme de Vladimir Nabokov, avec 4 de ses célèbres vers que Serge Gainsbourg citait à tout bout de champ, lorsqu'il était vieux et gâteux. J'ai pioché des films sans réel grand intérêt, mais qui pouvaient me faire passer le temps. La colline à des yeux, film d'horreur ordinaire, trop ordinaire. Total Recall, un bon film façon RTL 9, avec Schwarzenegger, le gouverneur. Vous voyez le genre. Émilie, l'enfant des ténèbres, parce que j'ai bien aimé les photos qu'il y avait au verso de la jaquette. Elles m'ont fait penser à un film de terreur kitsch des années 70. Comme j'aime. Puis Carrie, film d'horreur adapté, je crois, d'un roman de Stephen King. Tout comme ça, La Ligne Verte, Shining et d'autres films qui restent tous de grands films. Je suis tombé sur Dumb and Dumber avec Jim Carrey. Ce film me faisait rire quand j'étais petit. À mes souvenirs, il conduisait une voiture pleine de poils. Puis j'ai trouvé la cassette des Bidas en folie, un des films les plus exquis des Charlots. Je l'avais déjà en DVD, mais je l'ai pris. Car je garde un faible pour les cassettes vidéo. Vidéo. J'ai nourri le chien, car il quémandait. Ma sœur était partie. Puis je suis parti. Regardez les cassettes. Regardez les cassettes vidéo.